moi qui t'as fait du mal. Dis-le-moi que je les entaille. On fêtera ça sans le champagne. Un coup de fil, je l'ai. Un coup de fil, je l'ai. Hey, maintenant c'est moi qui t'accompagne. Dis-moi tout sans épargner. Dis-moi tout sans rien épargner. Dis-moi, dis-moi tous les détails. Allez, erre en Espagne. Coquet, coquet jusqu'à midnight. À la maison tu mettras le pagne. On n'entendra jamais ce qui se passe. Jamais ce qui se passe. Posé tout en haut de la montagne. Mes épaules sont déjà placées. Monte un peu, vois ce qui se passe. J'suis déjà au sommet de la montagne. Ma baby, j'suis ton garde du cœur. Garde du cœur. Garde du cœur, je vais tout garder, garde. Garde du cœur, garde du cœur, ton garde du cœur, je le garde. Ma baby, je suis ton garde du cœur. Garde du cœur, ton garde du cœur, je le garde, garde. Garde du cœur, ton garde du cœur, garde du cœur. La tenue qui te parle, ma CB c'est parler toutes les langues, français, italien, lingala, anglais. Vacances bord de playa, sable chaud, petit coquillage, personne invité au mariage. I'm capable de la gagne, avec toi j'ai déjà gagné, sur mon cœur t'as placé l'étoile. Lois Lane, Superman, MJA, PT Spiderman, toi t'es tombé sur le culinane. Plante les graines de tes rêves où bon te semble, les fleurs ne se fanent pas, quand ton homme peut les arroser. Tapis rouge, tu défileras comme à Cannes. Oh, dirty, dirty wine. Toujours au sommet de la montagne. Ma baby, j'suis ton garde du cœur. Garde du cœur. Garde du cœur. J'ai tout gardé, gardé. Garde du cœur. Garde du cœur. Garde du cœur. Je le garde. Ma baby, j'suis ton garde du cœur. Garde du cœur. Oui, garde du cœur. Je le garde, garde. Garde du cœur. Garde du cœur. Garde du cœur. Je le garde, garde, je le garde, garde, garde du cœur, ton garde du cœur, ton garde du cœur. Oh.